La lettre par André Cortis. Madame Annette, la mercière de Mondragon, versa la soupe fumante dans les grosses assiettes rouges et bleues, et ouvrant la porte qui séparait de la boutique la petite salle à manger, elle appela sa fille. « Maria, viens dîner. Qu'est-ce que tu fais donc ?» Le crépuscule d'été éclairait encore le parquet bien lavé et le comptoir luisant, les boîtes blanches qui contenaient les aiguilles et le fil, les rouleaux de ruban et la robe claire de Maria, l'infirme. Debout près de la petite fenêtre, sur l'appui de laquelle des pots de basilic arrondissaient leurs boules dorantes et vertes, elle regardait la route où deux promeneurs passaient en ce moment. Un homme et une jeune femme blonde. Pressés l'un contre l'autre, ils marchaient avec lenteur, avaient des visages bien heureux, des yeux larges, qui semblaient ne rien voir. Et Maria s'appuyait contre la vitre très fort, comme si elle eût voulu la briser et du même coup se rompre le front. « Maria, je viens !» Elle traversa la boutique, falote, boitillarde, avec son épaule trop haute, sa jambe trop courte. À table, sous la lumière de la lampe, elle parut plus vieille que sa mère. Elle avait les cheveux rares et ternes, le teint gris, la bouche large, les pommettes saillantes. Les yeux seuls étaient beaux, grands et bleus, des yeux de martyr, pleins de détresse, d'exaltation et de fièvre. Dans le voisinage tinta la cloche d'une porte rustique. « Tiens, » dit jovialement Madame Annette, « nos amoureux qui rentrent. » Maria murmura. « Oui, je viens de les voir passer. » Et elle rêva, affaissée sur elle-même, le col tendu et le visage crispé. Depuis que ces deux Parisiens avaient loué la petite maison dont Madame Annette était propriétaire et qui touchait à la sienne, la tristesse que ressentait l'infirme de sa laideur et de sa solitude était devenue plus atroce. Sans doute, elle n'avait point attendu leur présence pour connaître l'amertume, étant difforme, de songer à l'amour. Autour d'elle, des intrigues s'étaient nouées, des accordailles s'étaient faites. Mais la lecture des feuilletons qui occupaient ces longues journées inactives avait, tout en exaltant son imagination, en déformant sa conception des choses, quelque peu affiné ses goûts. Elle trouvait grossiers les amants du village, et son envie de leur joie se nuançait de dédain. Ces étrangers, au contraire, étaient élégants et beaux. L'existence de Maria, maintenant, était faite de l'observation avide, envieuse, désolée de l'existence qu'il menait. Dès l'aube, elle était dans le jardin, d'où l'on voyait les fenêtres de la maison heureuse. L'été passait. Vers la fin d'août, l'homme dut s'absenter quelques jours et l'amoureuse alors cessa toute promenade. Elle ne sortit plus de chez elle que pour aller à la poste, porter les lettres qu'elle venait d'écrire et prendre celles qui l'attendaient. Elle revenait très vite, la chair enveloppa la main, et Maria l'apercevait ensuite assise près de la fenêtre ouverte avec ce bout de papier étalé devant elle sur une petite table et dont, pendant des heures, elle ne détachait plus ses yeux. Puis le jeune homme revint et en septembre, tous deux repartirent définitivement cette fois pour Paris. Le lendemain de leur départ, qui était un dimanche, Madame Annette s'enfuit avec une femme de service pour ranger la maison. Maria les accompagnait. Quand elle fut entre ces murs qui avaient abrité tant d'amour, tout son pauvre cœur de délaissé se tordit dans sa poitrine. Lamentable, elle errait de chambre en chambre, traînant sa jambe courte et balançant sa tête lourde. Et voici qu'en soulevant, pour secouer la poussière, un des rideaux de crétonne, près de la petite table où étaient encore l'encrier et quelques plumes rouillées, elle aperçut, sous les plis traînants, une lettre, glissée sans doute du buvard de la jeune femme, une de ces lettres qu'elle lisait comme on fait sa prière. L'infirme la ramassa comme en vol, toute rouge et les doigts tremblants. Au jardin, abrité du soleil et du regard des hommes par l'étroit et épais, assise sur sa petite chaise aussi basse qu'une chaise d'enfant, Maria lut la lettre et la relut 10 fois. Il y avait là-dedans des phrases comme on n'en avait jamais imprimées dans aucun roman. C'était un appel, une supplication, une confidence minutieuse des moindres instants passés loin de la femme aimée et tout occupée d'elle. Et dans ces phrases, qui coulaient jusqu'au fond du cœur, comme des anneaux d'or dans l'eau limpide d'une source, et le laissaient tout illuminer, revenait sans cesse l'allusion aux yeux bleus de l'amoureuse, à la beauté de ses yeux bleus, au désir de revoir ses yeux bleus. Maria aussi avait les yeux bleus, et ses yeux étaient beaux, elle le savait, Anne ne pouvait-elle se faire l'illusion que cette lettre avait été écrite pour elle, par quelqu'un qui l'aimait, et qui reviendrait un jour? Son imagination de malade et d'exaltée conçut le roman, inventa les détails, se persuada de leur réalité, et elle pleura presque de joie, en appuyant ses lèvres fanées sur les phrases qui contenaient les mots les plus doux. Dès lors, elle vécut en compagnie du brûlant papier, le cachant dans son corsage le jour et la nuit sous son oreiller. À tout moment, elle relisait et murmurait tout haut, pour se bien convaincre elle-même, « Je pense qu'il ne tardera pas beaucoup à revenir. » Elle songeait qu'on trouverait cette lettre sur elle, quand elle serait morte, et elle se plaisait à se représenter la surprise de tous, les suppositions qu'on ferait, et l'envie des filles qui étaient belles, mais dont les amoureux balourds savaient à peine écrire. Au premier jour du printemps, elle était dans la boutique quand la porte s'ouvrit devant une acheteuse qui n'était pas une femme du village, puisqu'elle avait un chapeau, une voilette et des gants. Maria la regarda avec surprise, puis elle la reconnut, et une espèce de colère monta en elle. « Bonjour, mademoiselle Maria, » dit doucement la jeune femme. « Je vais à Marseille et je me suis arrêtée ici, entre deux trains. Est-ce que je pourrais revoir la petite maison, les chambres ?» Elle était pâle, avait de pauvres yeux profondément creusés, et Maria comprit tout de suite qu'un grand malheur lui était arrivé. Elle prit les clés et l'accompagna. Dès qu'elle eut franchi le seuil, la visiteuse se mit à pleurer. Alors Maria, pleine d'angoisse, murmura. « Il est mort ?»« Non, » dit la malheureuse, « il se marie. » Et oubliant à quelle humble créature elle faisait confidence de sa vie, « il a exigé que je brûle ses lettres, toutes, par prudence. Je l'ai fait, par amour. Maintenant, je n'ai plus rien de lui. » Les doigts de Maria se crispèrent sur son corsage. Mon seul souvenir est cette maison où nous nous sommes aimés. Mais quand pourrais-je y revenir? Je pars pour un pays si loin. Les doigts de Maria étaient toujours sur son corsage, mais tandis que la main gauche continuait de se crisper, hostile, défendant son trésor, la main droite, lentement, écartait l'étoffe, en tirait le papier plié. Il vous a quitté. Vous êtes jolie pourtant. Hélas! Cela ne sert à rien d'être jolie, si vous saviez. C'était vrai, cela ne servait à rien, puisqu'elles étaient pareilles en ce moment, l'infirme et la belle-fille, aussi misérables, aussi pauvres d'amour l'une que l'autre. « Tenez, » dit brusquement Maria en rangeant la maison, « à l'automne j'ai trouvé ça. » Et tandis que la délaissée, sans chercher à bien comprendre, s'emparait du papier, le lisait, le pétrissait de ses mains en fièvre, Maria avait l'impression de n'être plus une infirme, une hors-la-vie, mais une femme comme toutes les autres, qui a eu sa part de bonheur, et qui ne l'a plus. Seulement, elle, c'est volontairement qu'elle renonçait. Et la grandeur du sacrifice, l'exaltant et la soutenant, ce ne fut pas tout de suite qu'elle éclata en sanglots. C'était la lettre par André Cortis.